passé pour le monde, je n'ai rien gagné. J'ai chanté pour les hommes, je n'ai rien gagné. J'ai applaudi les politiciens, je n'ai rien gagné. Dans la folie des grandeurs, je n'ai rien gagné. J'étais dans la dissolution, je n'ai rien gagné. J'ai oublié le créateur de ma vie. Oh, oh. Ce monde, je n'ai rien gagné. J'ai cherché à plaire aux hommes, je n'ai rien gagné. J'étais dans le mensonge, je n'ai rien gagné. J'étais dans les querelles, je n'ai rien gagné. J'étais dans l'idolâtrie, je n'ai rien gagné. Dans les illusions de tous les jours, je n'ai rien gagné. Les jalousies, les envies, le créateur de mes mains. Oh, oh, oh. Oui, comme cet enfant prodigue qui pensait bien faire en dépensant tout son argent, en vivant dans la débauche, en revenant auprès du père, il a tout gagné, il a tout gagné. J'ai cherché à plaire aux hommes, je n'ai rien gagné, mais lorsque je suis venu en Christ, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné en Jésus-Christ. J'ai gagné l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. J'ai gagné sa fidélité. Oui, j'ai tout gagné. Je suis la lumière du monde, c'est de la terre. J'ai tout gagné. J'ai gagné la vie zoée. J'ai gagné l'amour de Dieu. Je suis assis en lui dans les lieux célestes. J'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Je suis Kimia et Longa Bolino, je suis Popotonga.